Psaume 22. Psaume de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Agelay à Sachar. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de ma délivrance, et des paroles de mon rugissement? Mon Dieu, je crie de jour, mais tu ne réponds point, et de nuit, et je ne cesse point. Toutefois tu es le saint, habitant au milieu des louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi, ils se sont confiés, et tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi, et ils ont été délivrés, ils se sont appuyés sur toi, et ils n'ont point été confus. Mais moi, je suis un ver, et non point un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient, se moquent de moi, ils me font la moue, ils branlent la tête. Ils s'abandonnent, disent-ils, à l'Éternel, qu'il le délivre, et qu'il le retire, puisqu'il prend son bon plaisir en lui. Cependant c'est toi qui m'as tiré hors du ventre de ma mère, qui m'as mis en sûreté lorsque j'étais aux mamelles de ma mère. J'ai été mis en ta charge dès la matrice, tu es mon Dieu fort dès le ventre de ma mère. Ne t'éloigne point de moi, car la détresse est près de moi, et il n'y a personne qui me secourt. Plusieurs taureaux m'ont environné, de puissants taureaux de Basan m'ont entouré. Ils ont ouvert leur gueule contre moi, comme un lion déchirant et rugissant. Je me suis écoulé comme de l'eau, et tous mes os sont déjoints, mon cœur est comme de la cire, s'étant fondu dans mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un test, et ma langue tient à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os un par un. Ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements, et jettent le sort sur ma robe. Toi donc, Éternel, ne t'éloigne point, ma force, à toi de me secourir. Délivre ma vie de l'épée, délivre mon unique de la patte du chien. Délivre-moi de la gueule du lion, et réponds-moi en me retirant d'entre les cornes des licornes. Je déclarerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le, toute la race de Jacob, glorifiez-le, et toute la race d'Israël, redoutez-le. Car il n'a point méprisé ni dédaigné l'affliction de l'affligé, et n'a point caché sa face arrière de lui, mais quand l'affligé a crié vers lui, il l'a exaucé. Ma louange commencera par toi dans la grande assemblée, je rendrai mes vœux en la présence de ceux qui te craignent. Les débonnaires mangeront, et seront rassasiés, ceux qui cherchent l'Éternel, le loueront, votre cœur vivra à perpétuité. Tous les bouts de la terre s'en souviendront, et ils se convertiront à l'Éternel, et toutes les familles des nations, se prosterneront devant toi. Car le règne appartient à l'Éternel, et il domine sur les nations. Tous les gras de la terre mangeront, et se prosterneront devant lui, tous ceux qui descendent dans la poudre s'inclineront, même celui qui ne peut garantir sa vie. La postérité le servira, et sera consacrée au Seigneur d'âge en âge. Ils viendront, et ils publieront sa justice au peuple qui naîtra, parce qu'il aura fait ces choses.